19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. C'est un sujet original que l'émission souhaitait évoquer de longue date, l'archéologie d'une étonnante épopée, celle des croisés en Terre Sainte, ce que l'on appelle le royaume latin de Jérusalem, au travers d'une belle fouille de surcroît française. Cela tombe bien puisque, hormis la visite du krach des chevaliers, celle du tombeau de Saladin et sa statue en compagnie de Renaud de Châtillon à Damas, voir le visionnage de Kingdom of Heaven de Ridley Scott, ma culture sur l'archéologie des croisades était somme toute bien maigrichonne. Parce que les découvertes sont majeures, parce que la mission de l'athlète en Israël vient de recevoir un des rares prix couronnant des archéologues français œuvrant à l'étranger, le prix Clio. Notre invité sera ce soir Yves Glaise. Bonsoir. Bonsoir Vincent, merci pour l'invitation. Avant de partir pour le XIIIe siècle et les rives de la Méditerranée orientale, je rappelle que vous êtes tout à la fois archéologue et anthropologue biologique à l'INRAP, que vous œuvrez actuellement à la rédaction de votre habilitation à diriger des recherches et êtes dans l'UMR PACEA de Bordeaux. Quoi qu'il en soit, bravo pour cette belle récompense reçue avant-hier soir. Yves Glaise, la découverte sous l'eau d'une gigantesque épée à deux mains, sorte de rapière médiévale, a récemment eu les honneurs de la presse mondiale. Objet isolé, mais résumant à lui seul l'image que nous nous faisons des croisades. Oui, c'est tout à fait une découverte exceptionnelle, cette épée, et qui montre bien la vision que l'on a et que le public a des croisades, des fortifications, des combats. Mais il faut savoir que cette période, c'est aussi une période d'échange. Et grâce à l'archéologie, on arrive à avoir des vestiges sur les édifices religieux, mais aussi sur les échanges commerciaux comme la céramique et différentes découvertes. Donc, cette période, ce sont des combats, mais aussi des échanges entre différents mondes qui se rencontrent au Proche-Orient. Et oui, bien sûr, épée, combat, forteresse, templiers aussi, je pense qu'on en reparlera. Yves Glaise, où se trouve votre site en Israël, près d'Haïfa et en bord de mer? On est à 15 km au sud de Haïfa, en bord de mer. On est juste à côté de la plaine littorale, à côté du Mont Carmel. Et on se trouve précisément sur une péninsule bordée par deux baies, une baie au nord et une baie au sud. Et sur cette péninsule, un château, un grand château, a été construit au XIIIe siècle. Alors ce château, il est vraiment très grand. De quoi s'agit-il? C'est le fameux château pèlerin, c'est ça? Voilà, il s'agit du château pèlerin. Donc c'est un château qui a été construit entre 1217 et 1218, et il se situe sur le chemin de pèlerinage, sur la route des pèlerins entre Saint-Jean-d'Acre et Jérusalem, et donc il servait entre autres à protéger la route littorale. Et au final, c'est un château qui remplace une construction qui existait au XIIe siècle, qui appartenait aux Templiers, la tour du Détroit, et au début du IIIe siècle, les possessions latines sont vraiment réduites à la frange littorale et il est nécessaire de protéger cette zone, d'autant que la cinquième croisade est en train de démarrer et les croisés veulent prendre une partie de l'Égypte. Donc, pour ne pas être pris à revers, il est nécessaire de consolider les fortifications littorales et le passage des pèlerins et des commerçants. 1217-1218, c'est extrêmement rapide, cette construction. Visiblement, les constructeurs ont été aussi des pèlerins. Oui, oui. Alors, on a un certain nombre d'informations pour cette période. Il semblerait qu'il y ait des pèlerins, donc des templiers, des chevaliers teutoniques qui ont participé à la construction de ce château. Un des chroniqueurs nous dit même qu'ils ont trouvé un trésor lors de la construction du château qui a permis de financer en partie l'édification de ce château. Alors durant cette cinquième croisade, d'où arrivent les pèlerins? D'un peu partout de l'Europe? Oui, oui, oui. principalement d'Europe occidentale, d'Angleterre, de France, de l'actuelle Belgique et d'Italie. Donc ils font un grand périple pour arriver à Saint-Jean-d'Acre, qui est vraiment le port et la capitale du royaume de Jérusalem au XIIIe siècle. Donc c'est vraiment l'entrée en Orient pour les pèlerins et pour les commerçants venant des pays latins. Ce château appartiendrait au temple ? Je parlais tout à l'heure de Renaud de Châtillon. Oui, donc si la construction a employé des pèlerins et un certain nombre de chevaliers, le château appartient bien aux Templiers et c'est une de leurs principales possessions au XIIIe siècle. Et on a un certain nombre d'informations qui montrent qu'ils sont bien là. Ils ont même une prison des Templiers qui est dans le château. C'est sûr qu'après la perte de leur quartier général à Jérusalem, ils ont dû se replier sur cette frange littorale dont je parlais. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce serait le dernier château croisé en Terre Sainte de ce fameux royaume latin de Jérusalem. Oui, on a... Alors, ce qui est assez impressionnant avec ce château, on a un certain nombre de données, de textes qui nous montrent qu'il n'a jamais été pris par les Ayoubides ou par les Mamelouks. Et quand Saint-Jean-d'Acre tombe en mai 1291, il ne reste quasiment plus de territoire aux mains des croisés. Et petit à petit, il ne reste plus que le château pèlerin. Et les Templiers sont obligés d'évacuer le château en août 1291 et de se diriger vers Chypre. D'accord. Donc on peut penser qu'au départ, il y a eu pas mal de monde, et à la fin, donc, quittant la Terre Sainte, il y a dû y avoir énormément de monde passant devant ce château. Oui, tout à fait. On imagine que c'est vraiment un point central sur le territoire. On sait même que, à la fin du XIIIe siècle, ce château a encore sous sa tutelle 16 villages qui dépendent de lui. Donc on a vraiment un point névralgique sur la route du pèlerinage et qui se renforce à la fin du XIIIe siècle où les possessions latines sont vraiment très peu nombreuses. Que deviendra plus tard ce château ? Il sera abandonné, démantelé ? Il sera abandonné. Il y aura un certain nombre de démantèlements qui vont pas se faire de suite d'après les chroniques que l'on a pour la période moderne et même la période contemporaine. On sait que il sert de carrière et notamment au XIXe siècle, une partie des remparts d'Acre vont être faits avec des pierres provenant du château. On sait aussi qu'il a subi un certain nombre de tremblements de terre qui ont détruit une partie des vestiges. Ce château a-t-il été fouillé par des archéologues ? Alors, anglais ou israéliens ? Durant tout le XIXe siècle, c'est vraiment un point de passage des voyageurs, des explorateurs et des archéologues. Et on a des premiers relevés qui sont faits au XIXe siècle. Et ensuite, à partir du début du XXe, on se pose plus de questions sur la construction de ce château, d'autant qu'on a quelques textes sur sa construction. Et à partir des années 30, sous le mandat britannique, il y a un vrai projet de fouille archéologique qui est lancé par Cédric Norman Jones pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce château. Et on s'aperçoit que c'est un château assez complexe avec des lignes de protection qui ferment la péninsule et on comprend pourquoi il n'a pas pu être pris par les armées ayoubides ou mamelouks. Et donc, à la suite de ces fouilles, ils étendent les fouilles et ils découvrent plusieurs bâtiments, notamment une église, des bains et des remparts. Donc, ce n'est pas seulement un château, c'est un château associé à une petite ville, un petit bourg, dans lequel on a des bains, une église paroissiale et des écuries, par exemple. Vous me parliez de textes. Qu'est-ce que l'on possède comme texte sur, justement, ce château ou cette partie de l'histoire ? Au final, on a quelques textes du début du XIIIe siècle qui mettent en avant sa construction et le fait que ça soit un château templier, sûrement avec une vision un peu de publicité ou essayer de montrer l'importance de ce château et le fait qu'il n'ait pas été pris dès sa construction. Donc on a des textes, par exemple, d'Olivier de Scolastique. Et après, on va avoir des choses très ponctuelles. Donc il faut aller chercher dans toutes les petites chroniques, notamment les textes liés au procès des Templiers. Et c'est comme ça qu'on apprend qu'il y a cette prison. On sait par exemple qu'un des enfants de Saint-Louis est né dans ce château. On sait que Une partie de la ville à côté du château a été rasée à la fin du XIIIe siècle par le sultan Baybar, mais ce sont des informations qui restent assez ponctuelles et qui ne permettent pas d'avoir une vision totale de la vie et l'occupation autour de ce château. Oui, mais l'archéologie est là pour arriver et pour donner d'autres informations, bien sûr. Juste à côté, le cimetière d'Atlit serait un gigantesque espace funéraire chrétien ? Oui, tout à fait. Suite aux fouilles anglaises, ils ont découvert un cimetière avec une enceinte, un rempart autour, à l'extérieur de la ville, 100 mètres sur 80 mètres à peu près. Et ils l'ont trouvé puisqu'il devait y avoir des constructions d'usines à côté. Et Cédric Norman Jones a fait un peu de l'archéologie préventive avant l'heure. Et il avait repéré des blocs qui apparaissaient au sol. Et avec une équipe d'ouvriers, pendant 4 mois, il a désensablé le site. Il a mis au jour un site exceptionnel, puisqu'on a quasi... Il avait dénombré 1700 sépultures, mais même avec le relevé aérien qui est à la fin de sa fouille, on dénombre quasiment 1950 sépultures qui sont visibles. Alors cette nécropole, elle est près du château? Il y a même, semble-t-il, un chemin qui relie le château à la nécropole? Voilà, il y a une route, ils ont une route qui arriverait jusqu'à une des portes de la ville du château. Donc, on a vraiment un site qui est en connexion avec le château. Et les éléments de mobilier que Cédric Norman Jones avait trouvé lors de la fouille, donc de la céramique, des monnaies, et sont bien du XIIIe siècle. Et donc, on a vraiment une contemporanéité entre l'utilisation du château, du bourg, et du cimetière. Donc on a un ensemble vraiment très important pour l'archéologie de l'Orient latin. Il serait entouré d'un rempart lui aussi ? Alors, un rempart, plutôt un mur. Ils ont trouvé les soubassements de ce mur. Mais quand on regarde la documentation archéologique avant et après la fouille, on s'aperçoit que les Anglais ont restauré entièrement ce mur. On n'est pas sûr que ce mur ait été édifié dès le début de l'utilisation du cimetière et il a peut-être été mis en place dans un deuxième temps lorsque le cimetière a pu prendre de l'ampleur par rapport au nombre d'inhumations qui avaient été faites à l'intérieur. Qu'est-ce que l'archéologue britannique Jones avait découvert dans cette nécropole ? Particulièrement, il avait trouvé les marqueurs de surface, en fin de compte, des stèles, des dalles plutôt, avec des croix inscrites et parfois des marqueurs de surface enduits avec du plâtre. Donc, et parfois même des croix qui étaient figées dans le sol. Donc il a surtout découvert les niveaux de sol du cimetière et ce que l'on voit comme si on se promenait à l'intérieur du cimetière. Il y a une partie du cimetière où ils sont tomber directement sur les squelettes. Donc cela veut dire que soit il n'y avait pas de marqueurs au sol, soit ces marqueurs avaient disparu. Et on peut imaginer, nous ne sommes pas là pour critiquer les ancêtres, hein, mais on peut imaginer que les fouilles n'étaient pas aux normes de celles d'aujourd'hui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout ça a dû être fouillé bien vite. Hein. Oui, ça a été fouillé bien vite, d'autant plus que on a vraiment l'impression que Norman Jones veut conserver le site, le préserver et même le muséographier. Donc d'après les textes que l'on a, les quelques notes, puisque une grande partie de la documentation de fouille a été perdue, il s'arrête dès qu'il découvre des marqueurs de surface, des dalles funéraires, les enduits, et lorsqu'il n'y en a pas, ils vont jusqu'au squelette, mais les squelettes restent en place et n'ont pas été prélevés. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Ce que Jones cherche, c'est surtout probablement des objets, des bons marqueurs chronologiques. Oui, voilà. Donc, c'est sûr que j'imagine qu'il aurait aimé trouver une épée ou un objet, assez exceptionnel. Il va surtout trouver de la céramique. Des bols parfois bien conservés, entiers, de la céramique qui vient principalement de Chypre ou du sud de l'Italie, et quelques clous. en fin de compte, en termes de mobilier, sur les centaines de squelettes qui ont quand même été dégagés, on a principalement trouvé de la céramique, des boucles de ceinture et quelques clous. On a quelque chose qui est assez simple et qui va, en fin de compte, dans la pratique d'une inhumation assez simple, chrétienne, une inhumation humble. Ce cimetière s'avère exceptionnel, une des rares nécropoles étudiées pour cette période au Proche-Orient. Oui, donc au Proche-Orient, on a un certain nombre de sites funéraires de cette période qui sont connus, mais souvent ce sont des petites fenêtres qui ont été fouillées rapidement, en général sans les outils, par exemple, qu'on a développés en France avec l'archéothanatologie, donc une observation peu fine de la position des vestiges dans les tombes, et on a souvent une vision d'une toute petite partie de l'espace funéraire, alors qu'à Atlit, là, on peut travailler sur quelque chose de plus vaste et à la fois discuter les marqueurs de surface et ce qui se trouve dans le sol. Donc, on a quelque chose de vraiment d'exceptionnel, à la fois pour travailler sur du spatial et sur de la chronologie relative à l'intérieur de l'espace funéraire. Yves Glaise, qu'est-ce que l'on a comme autre nécropole, comme autre cimetière de cette époque appartenant à des croisés ? Alors, il y a le grand cimetière de Césarée qui a été fouillé il y a quelques années en plusieurs fois, notamment par des équipes américaines. Mais la fouille a été assez rapide, d'autant qu'il y avait des niveaux antiques en dessous. Et ponctuellement, on trouve, notamment en archéologie préventive, il y a eu des découvertes vers Tibériade. Et après, on a beaucoup de découvertes qui restent assez ponctuelles. Quelques tombes, quelques fragments de dalles avec des inscriptions, mais qui sont souvent hors contexte. L'intérêt d'Atlit, c'est que après l'abandon du site, donc à la fin du XIIIe siècle, du cimetière, il n'y a eu aucune construction aucun bâtiment, et le site a simplement été recouvert par du sable. Est-ce que l'on aurait trouvé ailleurs, bien sûr, des charniers liés à ces croisades ? Donc, il y a un certain nombre de découvertes qui ont été faites liées à des sièges ou à des batailles, notamment à Sidon, donc ça, c'est la découverte la plus récente, et aussi au guet de Jacob, donc en Israël. Donc, mais cela reste des découvertes ponctuelles qui sont liées à un événement précis, à une bataille, à un combat, mais ce ne sont pas obligatoirement des fosses qui vont nous donner des informations précises sur les inhumations individuelles des chrétiens en Orient latin. En tout cas, Atlit, votre site, est dans un état de conservation tout à fait exceptionnel, mais il est parallèlement rongé par la mer. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, quand Jones a mis en évidence ce site exceptionnel, il y avait énormément de restes de plâtre sur les tombes. Actuellement, ils n'existent plus. Ils sont délités petit à petit. Et petit à petit, le site s'effondre avec les tempêtes hivernales qu'il y a chaque année et aussi la montée des eaux. Donc depuis 1934, il y a environ 10% du cimetière qui a déjà disparu. Et donc c'est quelque chose que j'essaie de faire régulièrement, c'est alerter la population et les différentes autorités pour essayer de préserver ce site qui, dans les prochaines décennies, sera sûrement condamné à disparaître ou à avoir une partie de sa superficie être entamée. Alors, pourquoi fouiller ce site ? Bien sûr, parce qu'il se détruit, mais on peut penser que vous y êtes arrivé avec de vraies problématiques. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il y a cette problématique préventive de conservation du site, mais il y a aussi une problématique qui est très intéressante. C'est nous avons des chrétiens qui viennent d'Occident avec leurs rites, leurs coutumes, leur vision d'un espace funéraire. Et on peut se poser la question, comment ces chrétiens vont être enterrés en Orient? Est-ce que les chrétiens latins vont être enterrés autour d'une église ou dans une église? Ou est-ce que d'autres chrétiens vont être enterrés? Est-ce que d'autres communautés vont être enterrées avec ces chrétiens venus d'Occident? Donc la principale problématique est là. Et c'est vrai que dès qu'on voit le plan du site d'Athlite, il y a quelque chose qui peut étonner, c'est qu'il n'y a pas d'église dans le cimetière. Le cimetière n'est pas organisé autour d'une église, et donc on peut se demander comment va être géré l'espace funéraire. Est-ce que on va enterrer les personnes de façon homogène, ou est-ce qu'il va y avoir des secteurs qui peuvent nous donner des informations, mais ces secteurs ne vont pas être conditionnés par la présence d'une église. En fin de compte, l'église existe, et la chapelle existe, mais la chapelle est dans le château et l'église est dans la ville. L'archéologie s'est visiblement encore peu concentrée donc sur ces espaces funéraires. Doit-on encore donc s'interroger sur la manière dont les chrétiens occidentaux auraient inhumé leurs morts en Terre Sainte ? Oui. Donc on s'aperçoit qu'il y a des choses qui vont paraître assez classiques, une inhumation sur le dos, avec des positions classiques, sans mobilier. Mais en fouillant, on s'aperçoit qu'il y a de la céramique qui apparaît, de la céramique qui vient de Chypre, d'Italie. C'est de la céramique qui n'est pas en dépôt réellement, mais qui est présente dans les comblements. Et on peut se demander si là, on n'a pas quelque chose de différent de ce que l'on voit en Occident. En Occident, on peut avoir de la céramique liée à l'utilisation d'encensoirs ou de liquides, par exemple. Mais là, on a vraiment des plats qui sont liés au repas, des bols qu'ils peuvent utiliser pour une vaisselle un peu de prestige lors de dîners, de repas. Et on retrouve un peu la même chose sur des sites à Chypre et en Grèce. Donc, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas des pratiques qui sont un peu différentes de ce que l'on a en Occident, et peut-être un peu teintées de ce qui existe plutôt dans la partie orientale de la Méditerranée. Des sortes de banquets commémoratifs, funéraires. Voilà, c'est ça. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette céramique est en général cassée, un peu comme ce que l'on trouve même pour d'autres périodes, pour exemple l'Antiquité, mais aussi chez certains chrétiens de l'Europe orientale, où on casse la vaisselle après l'avoir utilisée sur le lieu de l'inhumation. Donc ce ne sont pas réellement des dépôts auprès du mort, mais ce sont peut-être des éléments qui sont rentrés dans le repas des funérailles, peut-être le banquet, et que l'on n'a pas pu ressortir de l'espace funéraire, donc on les casse et on les réintroduit, on les introduit dans le comblement de la tombe. Et c'est des pratiques d'ailleurs qui existent dès l'Antiquité, on en a récemment parlé autour de Pompéi. Comment s'organisent les tombes, Yves Glaise ? Donc, lorsqu'on voit le cimetière, lorsqu'on entre dans le cimetière, on voit difficilement quelque chose se dessiner. On voit surtout des amas de blocs, quelques tombes un peu plus monumentales. Mais si on prend un peu de hauteur, on s'aperçoit qu'il y a des secteurs qui se différencient par la densité et la taille des monuments funéraires. On a l'angle nord-est du cimetière où on a beaucoup plus de tombes avec des grandes dalles qui sont marquées par des croix, des tombes qui peuvent faire plus de 2,30 m de longueur pour certaines, et on a une densité assez faible. Au final, on peut assez facilement circuler autour de ces tombes. Et lorsqu'on va plus vers le sud, le sud-ouest, le sud du cimetière, on a des marqueurs de tombes qui sont beaucoup plus denses. Ce sont des marqueurs souvent faits avec des blocs et recouverts à l'origine par un enduit. Et donc, on a des éléments qui mettent en évidence, au moins pour cette vision globale du site, peut-être des densités différentes au sein de l'espace funéraire. Et c'est pour ça qu'on a choisi de réaliser des sondages dans ces deux zones pour voir si on avait des pratiques qui étaient homogènes ou s'il y avait des différences entre ces deux espaces. Yves Glaize, quel est le recrutement au sein du cimetière ? Des hommes, des femmes, des enfants ? Donc si on part sur cette distinction à l'intérieur de l'espace funéraire, dans la zone plus au nord où l'on a trouvé des grandes dalles funéraires, on a une majorité de sujets masculins, très peu de jeunes enfants et une seule femme mais enceinte, donc on a vraiment... Et lorsqu'on va plus vers le sud, dans les niveaux supérieurs, on va avoir à la fois des hommes, des femmes, des enfants de tous les âges. Et plus récemment, on vient de finir une campagne en novembre, on s'aperçoit sous ce niveau de recrutement avec des hommes et des femmes, on a un niveau où on a un peu plus d'hommes. Donc en fin de compte, on a un espace avec des distinctions spatiales, mais aussi des distinctions à l'intérieur même de la chronologie relative du site. Donc c'est un site qui a évolué dans le temps, et peut-être que le recrutement à l'intérieur du cimetière a pu évoluer. A pu évoluer, bien sûr. Est-ce que certains individus portent des traces de combat, des traces de coups, des traces d'épée ? Oui, on a trouvé un certain nombre de squelettes, notamment au niveau des bras et des crânes, des blocs crânio-faciaux, des entailles nettes dues à des lames, à des épées. Et cela peut être à la fois des hommes ou des femmes. On a trouvé aussi des coups qui peuvent être plus contendants, donc dus à des chocs, et ce n'est pas obligatoirement des coups dus à des lames. Donc oui, on a quand même des traces liées à des combats, peut-être qu'on peut mettre en lien avec les différents événements qu'il y a eu autour du château, les différentes attaques qu'il a connues, mais pour l'instant, nous n'avons trouvé aucune fosse contenant plusieurs corps qui auraient été mis en même temps, par exemple comme ce dont on a parlé à Sidon ou au Gué de Jacob. L'hypothèse d'une zone en partie réservée à des moines soldats des Templiers est-elle possible ? Oui, c'est vrai que cette zone avec ces grandes dalles, ce coin du cimetière pourrait être une zone réservée aux Templiers. Malheureusement, ils n'étaient pas enterrés avec leurs épées, mais c'est quelque chose qui pourrait exister et expliquer une partie de la différence dans l'organisation du cimetière. Yves Glaize, merci beaucoup. Donc, je sais que les fouilles, bien sûr, continuent et que vous allez lancer toute une série d'analyses génétiques et isotopiques. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Fabien Capel, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.